Activité 6, page 57. Piste 43. A. C'est un mouvement des bras. B. Ce sont les jambes. C. Le ping-pong est bon pour les mains. D. Ce mouvement renforce le ventre.